Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1792, Jean-François Lambert fait paraître un ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'une nation ? Un corps politique ? Un État ?» Terrible question que celle de la nation dans le contexte de la Révolution française. Pensionné par le roi Louis XVI, Jean-François Lambert se cache en province durant la Terreur. Disons que le mouvement que prend la Révolution ne lui convient pas. D'ailleurs, la même année, 1792, il écrit « On vous a cruellement trompé, Français !» 90 ans plus tard, en 1882, de nouveau, la question se pose, qu'est-ce qu'une nation ? C'est le titre d'une célèbre conférence d'Ernest Renan prononcée à la Sorbonne. Ah, cette volonté de vivre ensemble. Aujourd'hui, 2020, Pascal Horry, historien de renom et peut-être aussi un peu de Renan par là même, se pose la question « Qu'est-ce qu'une nation ?», le titre de son ouvrage avec un sous-titre « Une histoire mondiale ». Oui, qu'est-ce qu'une nation ? La question mérite sans cesse d'être posée. Déjà car le contexte change, ensuite parce qu'elle est passionnante. Et puis parce que dans la réponse, il y a un peu de notre avenir. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes intéressés à l'histoire du livre, oui, depuis les tablettes, les papiers rouges jusqu'aux livres de poche, 4 épisodes à écouter et podcaster pour la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France, des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, un groupe où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, cette terrible question, qu'est-ce qu'une nation ? Avec vous, Pascal Horry, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Pascal Horry, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et là, vous publiez, Pascal, qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale. Avec cette question, dans cette démarche d'historien qui est votre vie, pourquoi ce livre à ce moment-là de votre propre histoire ? Bah, sans doute parce que j'ai eu 20 ans en 1968 et qu'à ce moment-là, la nation était non pas à son apogée, à son zénith, mais à son nadir. Elle était au fond du trou, du moins dans, disons, toute une jeunesse intellectuelle occidentale. La nation, c'était le passé. Bon, on pouvait suivre des cours à la Sorbonne ou ailleurs sur la question des nationalités au XIXe siècle, l'unité italienne, allemande. Bon, ça, c'était vraiment le passé. Le présent, c'était l'internationalisme. On parlait pas encore de mondialisme, c'était plutôt la dimension progressiste, marxiste, hein, l'internationalisme. D'autre part, la nation, c'était évidemment le mal, puisque ça produisait le nationalisme, donc la xénophobie, pourquoi pas le racisme. Et puis la nation, là, c'était plutôt destiné aux étudiants en histoire, par exemple, aux enseignants. Benedict Anderson, bientôt Hobsbawm, Gellner, c'était construit, c'était imaginé. Hein, Benedict Anderson disait « communauté imaginée ». Et il y avait un glissement, même dans les traductions françaises, on passait de « imaginé » à « imaginaire ». Sous-entendu, c'est une mystification. Donc vraiment, c'est de ça qu'on partait. Et toute l'histoire, qui est mon histoire, qui est votre histoire, Xavier Mauduit, qui est l'histoire des auditeurs qui nous écoutent, c'est exactement le contraire. C'est qu'on avait tout faux à ce moment-là. Oui, c'est ce paradoxe qui est intéressant. Et puis d'ailleurs, hein, dans l'introduction que vous donnez à « Qu'est-ce qu'une nation ? Une histoire mondiale ?», votre ouvrage, Pascal Horry, vous faites de l'ego-histoire. Et vous rappelez un moment qui est drôlement intéressant parce que à la fois, il fait partie de l'historiographie, de la construction de l'histoire et de votre construction personnelle, qui est au milieu des années 1980, un colloque, une grande réunion autour de ce sujet de nation. Ça vous a marqué, ça ? Oui, parce que d'abord, c'était significatif que le Parti Socialiste, puisqu'en fait, c'était une association culturelle proche du Parti Socialiste, on est en pleine présidence François Mitterrand, puisse avoir l'identité nationale comme question, quand même. C'est quand même très significatif. C'était en train de remonter, à partir de ce que j'ai appelé dans d'autres textes, la révolution de 1975, au milieu des années 70, à la fin de la guerre du Vietnam, mais qui est également le moment de la publication de l'archipel du Goulag. Il y a quelque chose qui se renverse. Bon. Et puis ça va nous donner Thatcher, Reagan, mais aussi Khomeini, Jean-Paul II. Donc le sens de l'histoire, effectivement, son cours certainement, mais son sens change. Et ce colloque avait été très intéressant. Ça m'avait permis de rencontrer Fernand Braudel. J'avais compris qu'il fallait pas trop discuter avec lui de l'origine éventuellement politique de cette histoire, parce que il vous interprétait tout de suite comme quelqu'un qui en était encore à la vieille histoire de la vis. Mais en revanche, Braudel lui-même témoignait de ce que c'était une question qui l'interrogeait, et il était en train d'écrire, c'est resté inachevé par sa mort, son grand ouvrage, parce que ça reste un grand ouvrage même inachevé, sur l'identité française. Et c'est vrai qu'il a troublé quand même clairement beaucoup de ses lecteurs, qui ne s'attendaient pas à ça de la part de Brodel, alors que si on connaît l'itinéraire de Brodel, ça n'a strictement rien d'étonnant, non seulement ses origines, mais son évolution, et qu'ensuite, ça a troublé, à mon avis, aussi les héritiers presque de Brodel, qui ne savent pas toujours quoi faire de ce livre. Oui, parce que la question est compliquée, et même ces questions, qu'est-ce qu'une nation, bien sûr, qu'est-ce que l'identité, comment appréhender l'identité, et cela nous conduit à l'histoire même de cette notion de nation. Pascal Horry, à partir de quel moment commence-t-on à parler de nation? Alors, la question est difficile, parce que vous proposez une histoire mondiale. Plaçons-nous, du point de vue français, à quel moment il est question de nation? Alors, il ne faut pas se laisser piéger par les mots « natio » apparaît dans la culture latine, mais après tout, il y a un mot qui me paraît passionnant, qui est le mot « d'ethnos » dans la culture grecque, parce que quand un chrétien aujourd'hui lit dans les évangiles « aller prêcher toutes les nations », il a l'impression qu'on parle déjà des nations d'aujourd'hui. En fait, il faut retourner au texte, le texte des évangiles n'est pas en araméen, n'est pas en hébreu, il ne faut pas oublier que c'est une pensée grecque qui s'instille là-dedans, c'est en grec, et en grec c'est « ethnos ». Et l'ethnos, pour simplifier, c'est ce que dans ma définition, parce que tout à l'heure on va sans doute arriver à la définition, la réponse que je donne à la question « qu'est-ce qu'une nation ?», il y a cette identité initiale que j'appelle « un peuple » avec un petit « p ». Et ça, c'est le résultat, évidemment, de l'histoire, avec sa grande vache. C'est-à-dire que des peuples avec un petit « p », je commence le chapitre sur le peuple avec un petit « p » par les barouillas chers à Maurice Godelier, bon, ce sont des identités qui, parfois, n'ont laissé aucune trace textuel, parce que la préhistoire se définit par le fait que ben, il n'y a pas d'écriture, et en tous les cas, pas d'héritage d'un nom de peuple. Mais bien entendu, des peuples, des agrégations de peuples, il y en a eu quantité, dont la plupart ont disparu à la surface de la Terre. Je ne vais pas utiliser n'importe comment le terme de génocide, mais il y a des disparitions violentes ou progressives ou indirectes de peuples. Donc des peuples, il y en a partout. Il y a cette identité qui est fondamentalement culturelle, qui est le résultat de différents rapports de force, et qui fait qu'il y a par exemple un jour des Finnois. Et pour que ça devienne la nation finlandaise, ben, il faut croiser quelque chose d'essentiel, qui est la souveraineté populaire. Donc la nation, le terme existe, mais ça signifie essentiellement l'ethnos, c'est-à-dire identité culturelle. Les universités médiévales, certaines universités médiévales en tous les cas, fonctionnent sur la base de nations. Il ne faut pas tout de suite penser que ce sont les nations au sens moderne. Mais en revanche, ça veut dire qu'on est préoccupé par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identité culturelle. L'identité culturelle est essentielle dans cette réflexion autour de la nation. Et dès lors, Pascal Horry, quelle définition donnez-vous à nation? Autant la donner maintenant, histoire que notre conversation se construise sur des bases solides. Oui, je ne voulais pas attendre la fin du livre, ou même oublier que j'avais posé une question, et oublier de donner la réponse. Ma réponse, bon, après on en discute, c'est en 6 mots, donc ça peut déclencher 6 heures ou 6 jours de colloque, mais c'est un peuple avec un petit p, qui devient le peuple avec un grand P. Traduction rapide quand même, pas en 6 heures. Un peuple, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que une série de... Alors je ne dirais même pas de hasard historique, de rapports de force, de dispositifs géographiques, de mouvements de population, puisque ces peuples peuvent être nomades. On peut même penser qu'ils ont été souvent... L'identité magyare, y compris dans les mythes hongrois actuels, est fondée sur l'idée de nomades qui se stabilisent. Le mythe turc, c'est aussi ça. Bon, donc cette identité existe. Elle perdure plus ou moins, et je maintiens que beaucoup de ces identités sont rayées de la carte, bon, et un beau jour, si j'ose dire, puisque dans la mythologie nationale c'est indispensable, je précise que mythologie dans mon esprit c'est pas du tout négatif, c'est ça qui fait construire les communautés, quelles qu'elles soient, ça rencontre, et ça se passe quand? Ça se passe grosso modo entre le 16e le 18e siècle pour le moment fondateur, et ça se passe sous nos yeux en ce moment dans des pays qui s'appellent la Catalogne, la Nouvelle-Calédonie, l'Écosse ou le Kurdistan, ça rencontre la grande invention politique moderne qui est la souveraineté populaire. Et ça c'est absolument capital, et c'est intéressant de voir que la question est déjà posée lors de la première révolution politique moderne, pour moi, qui est la révolution néerlandaise, qui produit les Provinces Unies, ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas. C'est important de le souligner, vous avez évoqué Pascal Horry, la Finlande, aujourd'hui, là maintenant, les Pays-Bas, nous allons traverser comme ça le monde, parce que quand vous posez la question « qu'est-ce qu'une nation ?», publiée chez Gallimard, vous y ajoutez un sous-titre, une histoire mondiale. Ces cas particuliers ne sont jamais particuliers, c'est-à-dire que il y a des lignes directrices qui permettent d'analyser comment se constitue cette idée de nation, mais à chaque fois, sur chaque cas, il va y avoir, ben, peut-être c'est ce que l'on appelle l'identité, cette particularité. Oui, le sous-titre, j'y tiens beaucoup, parce que c'est une clé, pour dire d'abord qu'il sera question un peu de la France, mais pas tant que ça, Il sera question de Taïwan, il sera question du Kurdistan dans le livre, il sera question de la Birmanie. Enfin, c'est absolument fascinant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national, et que bien entendu, il y a ce point commun, un peuple qui devient le peuple, mais c'est décliné par définition de manière différente d'un peuple, d'une nation à l'autre. C'est tout à fait intéressant de voir par exemple qu'il y a effectivement au final une nation qu'on va dire finlandaise et une nation estonienne plutôt que rien. Vous savez la fameuse question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bah aujourd'hui nous avons des Estoniens, on pourrait ne pas avoir des Estoniens, ça pourrait être des Lettons, ça pourrait être des Russes, ça pourrait être autre chose. Eh bien c'est très intéressant de voir pourquoi il y a des Estoniens quand même distincts des Lettons, d'où ils viennent d'une certaine façon et où ils arrivent en ce moment, étant bien entendu que ça nous donne quand même de fortes indications sur vers quoi ils vont, au moins dans notre génération. Oui, c'est la question essentielle. Hein. Qu'est-ce qu'une nation ? C'est pas tant pour essayer de comprendre comment elle s'est constituée, mais aussi pour regarder vers l'avenir, justement sur cette question qui nous conduit vers les Lettons. Est-ce que vous, Pascal Horry, historien du culturel, du politique et donc de la nation, vous pouvez nous donner des éléments de réponse ou est-ce que la question est trop complexe pour s'en sortir en quelques mots là dans une émission radiodiffusée ? Comme je l'ai dit tout à l'heure par la part d'égo-histoire, vous l'avez noté du début du livre, j'ai assisté à l'effondrement de la grande tentative anationale, pour ne pas dire antinationale, qui s'appelait l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. C'est grandiose. Je voudrais quand même faire remarquer, parce que certains ne le remarquent même pas, que Union des Républiques Socialistes Soviétiques, c'est pas géographique. Le monde entier, c'est tout à fait normal, c'est le projet, c'est l'utopie de Lénine, de Trotsky et des autres, bolcheviques, c'est que le monde devienne un jour une union de républiques socialistes soviétiques. Mais vous voyez, puisque je parlais de mythologie en disant la mythologie c'est du sérieux bien entendu, c'est la structure symbolique qui fait tenir les individus comme les collectivités. On y reviendra sans doute après sur la critique du caractère construit ou imaginaire de tout ça. C'est absolument indispensable. Mais dans la mythologie progressiste, vous avez la Commune de Paris qui a duré 72 jours. Donc c'est d'une certaine façon parfait pour la mythification, d'autant plus que la répression versaillaise a été extraordinairement sanglante. L'Union soviétique a duré 72 ans. Et là, j'allais dire, je me permets de le dire à un certain moment dans le livre, l'histoire, paradoxalement, on peut se demander si elle n'est pas expérimentale quand elle est politique ou économique. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment un projet politique échoue ou réussit. Sans jugement de valeur, hein, mais échoue par rapport aux objectifs de ses fondateurs. L'Union soviétique a un projet grandiose, internationaliste, qui s'est effondré. Et donc, ma génération, et d'une certaine façon, mes enfants, mes petits-enfants, etc., sont les témoins, les acteurs hein, presque involontaires, les héritiers de cet effondrement. Et à partir de ce moment-là, la culture et la politique ayant sans doute horreur du vide, eh bien, on a vu le nationalisme remonter, mais dans les deux sens du mot, c'est-à-dire l'identité nationale, y compris dans la création presque de toute pièce d'identité nationale grâce aux soviétiques, comme par exemple, vous allez en Ouzbékistan aujourd'hui, la notion d'Ouzbékistan, encore plus la notion de Kazakhstan, sont incroyablement construites par les soviétiques. Et ça s'est retourné contre l'Union soviétique. Et puis en même temps, vous avez des vieilles identités qui rejouent. En ce moment, on nous parle d'une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une très très vieille histoire multiséculaire. Donc c'est fascinant de voir que de toute façon, même si on donne des leçons au peuple, ils n'en font qu'à leur tête. Moi, dans ma jeunesse, il faut préciser que ce livre, c'est 40 ans à peu près de réflexion, de recherche, de séminaire, etc. Et je faisais travailler mes étudiants, c'était à Sciences Po à ce moment-là, dans un séminaire qui s'appelait déjà « Qu'est-ce qu'une nation ?». Alors je vous avoue que quand ça a été proposé, j'ai entendu l'ironie de certains collègues. Qu'est-ce qu'une nation ? On est dans les années 1985, enfin 100 ans après Renan, quoi. Et je proposais de travailler à mes étudiants sur le Kosovo, ou de travailler sur l'identité corse. Mais c'était très bizarre, apparemment. Et puis, de travailler aussi sur l'ambiguïté de formules comme Tchéco-Slovaquie. Dans ma jeunesse, ça ne posait aucun problème. Il y avait une Tchécoslovaquie, il y avait une Yougoslavie, ça ne posait aucun problème. Et nous avons vu ces identités s'effondrer. C'est ça, pour l'instant, entre guillemets, le sens de l'histoire. Eh bien justement, nous allons prendre un cas d'étude, Pascal Horry, juste autour de ces identités. Vous avez évoqué hein, l'importance générationnelle, les générations du dessus. Vous avez parlé de ces grands historiens comme Brodel, et puis vous avez parlé de vos petits-enfants, les générations qui arrivent et qui sont acteurs en fait de cette histoire. Nous allons écouter des enfants. Ils sont suisses, oui, sur la RTS en 1962, la radio-télévision suisse. Il était question de Guillaume Tell. Et les jeunes enfants connaissent Guillaume Tell ? On vient de leur refaire la tous les samedis à la télé. Mais Guillaume Tell, c'est pas un personnage de télévision ? Mais oui, mais il passe à la télévision. Non, mais c'est pas celui-là qui passe à la télévision. Mais oui. Mais à ton avis, Guillaume Tell, c'était qui alors ? Celui qui a donné le signal pour faire la révolte. Puis c'est lui qui a créé la Suisse, pour ainsi dire. En quelle année ça se passait ? 1291. Ah, c'est très bien, c'est juste, oui. Puis comment ça s'est passé, Guillaume Tell ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il y avait, je crois, une perche, et puis un chapeau dessus avec les couleurs de l'Autriche, et puis tout le monde devait saluer. Puis lui, il l'a pas fait. Alors, ils l'ont emmené devant le bailli. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a dit, bon, t'auras la fille sauce si tu perces une pomme qui sera placée. Ça, t'es ton fils, ça s'inquiète pas. Et puis seras... il a réussi. Ouais, il a réussi. Puis Gessler, il avait vu qu'il avait caché une seconde flèche, puis il lui avait demandé, comme il lui promettait la vie sauve. Guillaume Tell a dit, bien, si j'avais manqué ma première cible, je vous aurais pas manqué. Mais c'est formidable. Où est-ce que tu as appris tout ça ? À la télévision ? Non, à l'école. Puis on repassait ça à la télévision. Voilà, un petit Suisse authentique qui fait pas semblant, qui évoque Guillaume Tell, justement dans l'identité nationale suisse. Guillaume Tell, personnage important. Dites-nous, Pascal Horry, dans cette construction des identités nationales, si nous prenons ce cas de la Suisse, nous avons alors là quelque chose qui est vraiment particulier. Nous avons une union notamment. Comment l'analysez-vous dans votre regard mondial que vous portez sur cette nation, la définition du mot « nation » ? Alors, ce qu'on vient d'entendre à vif, c'est ce qu'on appelle un mythe. Hein. J'ai déjà utilisé le terme à plusieurs reprises, ainsi que mythologie, système de mythe. Je rappelle que la définition grecque du mythe, et j'y tiens beaucoup, c'est un récit. C'est-à-dire que c'est un récit qu'une collectivité se donne à elle-même. Alors, bien entendu, il y a des auteurs partagés, mais à certains moments, si ça marche, c'est que le grand auteur, auctor, celui qui augmente tout ça, c'est le peuple lui-même, et qui justifie l'existence de ce peuple, ses caractéristiques par rapport au peuple voisin, etc. Donc, Guillaume Tell est parfait pour ça. Guillaume Tell, dont l'existence historique pour les érudits est très problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la cristallisation du mythe de Guillaume Tell au XVIIIe siècle en Suisse correspond vraiment au grand moment d'explosion de la souveraineté populaire, et que la critique d'ailleurs, la critique du mythe de Guillaume Tell est assez précoce, hein, dès le XIXe. C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit « Ah ah, Guillaume Tell n'a pas existé », non. C'est un problème qui est posé très tôt, dès le XIXe. Sauf que les sociétés fonctionnent à partir d'une construction poétique. C'est la deuxième partie de mon livre, s'appelle « Une construction poétique », qui parle du nom. Vous savez, par exemple, on pourrait passer une heure à parler du nom de Macédoine et du problème que ça pose, ou du passage de l'Empire ottoman à la Turquie, qui parle des langages, la langue, mais aussi ce qu'on appelle, d'ailleurs, de façon un peu floue, la religion. Et puis, effectivement, avec Guillaume Tell, etc., ces mythologies, cette symbolique, qui est absolument cruciale. Mais aujourd'hui, bon, dans le cas de la Suisse, on voit bien la distance éventuellement ironique qu'on peut avoir, mais vous vous promenez aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique, dans beaucoup de pays d'Asie centrale, ou même pas centrale, voire d'Amérique latine, on voit bien que ce travail est toujours en construction. Alors, quant au cas suisse, là, j'y consacre beaucoup de place, pour simplifier, la Suisse, c'est l'inverse de la France. Vous prenez toutes les caractéristiques de la construction nationale française, vous les inversez, vous obtenez la Suisse. C'est un pays fondamentalement décentralisé, ou même tout simplement jamais centralisé. C'est quand les Français ont mis les pieds éphémèrement au moment de la Révolution en Suisse, qu'ils ont essayé de centraliser, évidemment, il en est resté des traces. C'est fondamentalement aujourd'hui une fédération, qui a été une confédération. Mais après tout, les États-Unis, c'est ça aussi. C'est une confédération qui devient assez vite une fédération. Ça veut dire que c'est une démocratie au sens strict du terme. On parle parfois de patriotisme constitutionnel pour les Allemands, pour les Américains, on le voit en ce moment, patriotisme de la Constitution. Ça, c'est incompréhensible pour les Français, franchement. Malgré la force des institutions de De Gaulle, c'est pas du tout la même chose. Mais en Suisse, c'est capital. La démocratie, bon, Rousseau n'est pas par hasard quand même d'origine suisse. La démocratie suisse, c'est un modèle de démocratie participative. Et on voit bien le regard condescendant que les Français, du haut d'une expérience historique quasiment inverse, l'État, d'abord monarchique, puis républicain, le centralisme, le catholicisme, ont cette ironie. On peut d'ailleurs la discuter fortement, hein, parce que les votations suisses, c'est vraiment la démocratie en action. Donc la souveraineté nationale, on pourrait entièrement la démontrer à travers l'exemple suisse. Mais vous savez, on peut ne pas se limiter à la Suisse. J'ai des liens assez étroits avec un pays qui est moqué, mais unanimement moqué, qui est le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est tellement petit, ça, c'est tellement le lieu où les grandes sociétés bancaires capitalistes s'installent. Donc le Luxembourg, c'est bouffon. Ben, pas du tout. Je consacre une page au Luxembourg dans le livre, c'est très sérieux. On voit très bien comment entre le 19e, le 20e, le 21e, l'identité nationale luxembourgeoise s'est construite, y compris au prix de deux occupations allemandes particulièrement violentes, et que à l'heure actuelle, par exemple, les formes d'intégration de son pays sont extraordinaires. C'est un des pays au monde qui a la plus forte proportion d'étrangers, en particulier de portugais, on parle beaucoup portugais dans les rues de Luxembourg aujourd'hui, et ça se passe plutôt bien, et la langue luxembourgeoise est plus parlée qu'il y a 50 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas de petits exemples. Il n'y a pas de petits exemples et il y a des voix différentes dans le chapitre, Pascal Auric, vous consacrez à cette construction poétique. Il y a les espaces, les langages, les enchantements, essentiels ces enchantements, mais tous les pays, enfin les pays et tous ces mouvements passent par ces étapes pour arriver, vous nous l'avez dit, avec la Suisse, avec les États-Unis, avec la France, à des résultats différents. Pour la conception de nation, l'idée même de nation peut être valable dans différents espaces, mais avec des voix très différentes. C'est en cela que cette histoire doit être mondiale. Sinon, la question pourrait être, qu'est-ce qu'une nation française, ou selon la vision française ? Oui, c'est-à-dire le fond de la polémique, oui, on peut dire polémique, en tout cas du débat que Renan pose, parce que il est évidemment, comme tous ces Français des années 1870-80, sous le traumatisme, dirait-on aujourd'hui, de la défaite de 70-71, de la guerre civile d'ailleurs aussi, quand même, de la Commune de Paris et des autres communes de province, et de l'arrachement de l'Alsace-Moselle, d'autant plus que Renan est quelqu'un qui est de pure culture allemande, comme la plupart des élites intellectuelles universitaires en Europe à l'époque, le modèle est allemand. C'est un philologue fondamentalement, Renan, donc c'est un enfant de la culture allemande. Et d'ailleurs, le dialogue qu'il a avec Strauss, qui a été d'une certaine façon son proche, son ami, mais qui se révèle terriblement allemand face à Renan, qui du coup devient terriblement français, c'est pathétique. C'est pathétique. C'est presque une grande tragédie classique. Eh bien, écoutez, je vous propose, Pascal Auric, d'écouter Daniel Königsberg qui devient Ernest Renan pour cette célèbre conférence donnée à la Sorbonne en 1882 et intitulée « Qu'est-ce qu'une nation ?» Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivi. Une nation est une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible. Le consentement. Le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Daniel Königsberg qui lisait un extrait de la conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» d'Ernest Renan en 1882. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. « Qu'est-ce qu'une nation ?» Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Pascal Auric, en intitulant votre ouvrage publié chez Gallimard « Qu'est-ce qu'une nation ?» Évidemment, il y a un écho à cette conférence fondamentale d'Ernest Renan. Peut-on rappeler à quel point la définition de Renan, nous venons de l'entendre, ce plébiscite de tous les jours, est fondamentale pour notre conception française de ce qu'est la nation ? Alors commençons par ce qui est le plus connu. Effectivement, c'est une réponse presque explicite à la conception allemande, en quelque sorte fataliste, d'où l'identité surgit de très loin, sans l'intervention de cette souveraineté populaire, en effet, qui suppose un consentement des individus qui font par ailleurs société. En d'autres termes, quand il dit plébiscite, il fait allusion au fait qu'on n'a pas posé la question aux Alsaciens mosellans de savoir s'ils voulaient intégrer le Reich. Or, alors, je fais deux remarques parce que ça, il y a un point qu'on ne sait absolument pas, un autre qu'on sait peu. Ce qu'on sait peu, d'abord, c'est que cette fameuse conférence en Sorbonne, bon, ancien professeur à la Sorbonne, je suis très content que ça ait lieu en Sorbonne, dans les bâtiments qui ont précédé les nôtres aujourd'hui, mais on ne dit pas, il n'y a qu'un chercheur néerlandais qui l'a fait remarquer, qu'elle a été testée par Renan aux Pays-Bas, quelques années avant, pour un anniversaire de Spinoza, et que l'épouse de Renan est d'origine néerlandaise. Traduisons, ceux qui n'ont pas lu Renan, surtout ce texte-là, peuvent penser que c'est encore un chauvin de plus, un nationaliste, etc. C'est absolument faux. Quand vous lisez le texte, vous voyez même qu'il annonce que les nations mourront et que la Confédération européenne, un jour, les remplacera. Entre nous, il est beaucoup plus optimiste que nous en 2020. Bon. Et il s'adresse à un public étranger. Et pas n'importe lequel. Les Pays-Bas, dont je vous ai dit que c'est le lieu fondateur de la révolution politique moderne avant la révolution anglaise, la révolution américaine et la révolution française, qui, entre parenthèses, n'arrive que quatrième dans cette série. Donc il s'adresse à des étrangers. Il sait très bien qu'il s'adresse à des étrangers. Et c'est passionnant, parce que le plébiscite de tous les jours, les Néerlandais l'ont testé au XVIe siècle. Quand Barack Obama est venu en voyage aux Pays-Bas, à l'époque où il était président, on lui a montré le fameux texte fondateur, le Placat du XVIe siècle, qui est considéré aux États-Unis comme un modèle inspirateur de la fameuse déclaration d'indépendance du 4 juillet 76. Donc première remarque concernant la conférence de Renan. Il y aurait d'autres choses à dire, son rapport à l'étranger. Et c'était un ami des souverains néerlandais. Deuxièmement, plébiscite de tous les jours. Alors ça, brutalement, ça m'a illuminé, j'y avais jamais pensé. En fait, Renan n'est pas le personnage politiquement aussi clair qu'on pourrait le croire. Il a été victime du Second Empire, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est rallié à la fin à l'Empire qu'on appelle l'Empire libéral, Émile Ollivier, etc. Il a même été candidat, Renan, aux élections de 1869. C'est-à-dire que plébiscite, personne ne le dit quand on cite cette phrase superbe, en 2020, complètement d'actualité. Nouvelle-Calédonie, Kurdistan, plébiscite de tous les jours. En d'autres termes, référendum. Mais c'est un terme bonapartiste, plébiscite. Et c'est sous l'égide de cet esprit bonapartiste qu'on a fait l'unité italienne et qu'on a donné à la France, entre guillemets, par un plébiscite des populations, le comté de Nice et la Savoie. Nos auditeurs savoyards ou niçois qui nous écoutent savent que c'est un plébiscite style 90%, hein, bien entendu de oui, ou 95%, mais c'est un plébiscite, c'est donc la souveraineté populaire qui décidait du rattachement de la Savoie, du comté de Nice à la France ou de l'unité italienne. Et ça, Renan le savait. Parce que quand il a prononcé en 1882 plébiscite, ça résonnait bonapartiste. Ça, personne n'en parle. Et puis c'était important de remettre Renan dans son contexte, parce que sa question toute simple, qu'est-ce qu'une nation qui demande une réponse difficile, ne peut se comprendre que par l'environnement politique, social du moment, avec une évolution même de la notion de nation qui l'a fait évoluer vers le nationalisme, au sens où on la confond, par erreur, avec le nationalisme. C'est un peu le cheminement, le problème que vous rencontrez, Pascal Horry, historien de cette notion de nation, durant tout le XXe siècle. Il y a ce combat au moment où se met en place l'internationale ouvrière, où il y a une union des républiques socialistes soviétiques. Il y a cette réflexion sans cesse qui brouille l'idée même de nation. Tout à fait. Pour simplifier un peu discussion de café du commerce, la nation, c'est à gauche, par ses origines. D'ailleurs, vers 1800, 1830, 1848, vous imaginez bien, mettre en avant la nation, ça veut dire qu'on est un libéral, voire un démocrate, c'est-à-dire la gauche ou l'extrême gauche. Pourquoi est-ce que ça commence à bouger à la fin du 19e siècle? Le mot nationalisme, il a été testé par les adversaires de la nation, l'abbé Baruel en parle, mais fondamentalement, il est cristallisé en France. Entre parenthèses, la France est très novatrice sur un certain nombre de plans, mais pas forcément les plans pour lesquels elle est la plus glorieuse aujourd'hui. Le nationalisme, au fond, le mouvement boulangiste l'a vraiment forgé, comme d'ailleurs le futur populisme dans les années 1880. Et nationalisme, pour simplifier, et ça vaut pour tous les pays, c'est testé un peu en France, mais ça vaut progressivement dans tous les pays, ça vaudra par exemple demain en Catalogne, si la Catalogne devient indépendante. C'est la transformation de la référence à la nation. À l'origine, quand il s'agit d'un combat pour affirmer son identité, par exemple par rapport à un dominant, ou par exemple par rapport à un régime à l'ancienne, l'Empire Ottoman, et je consacre de nombreuses pages à la Turquie, c'est fascinant, Mustafa Kemal, les jeunes Turcs, et Mustafa Kemal, l'unité et progrès, union et progrès, et effectivement le passage vraiment violent d'une identité dynastique les descendants d'Ottoman, ottoman, à une identité, à la française d'ailleurs, la Turquie. Bon, ce changement-là, ça mobilise un mouvement national. Une fois que vous avez atteint ces objectifs-là, c'est la France à la fin du XIXe siècle, avec en plus une république qui clairement est patriotique, et patriote, pas encore nationaliste justement, vous avez des gens comme Barrès, comme d'autres, qui récupèrent la notion de nation, mais pour en faire désormais un clivage interne. Et il y aura à ce moment-là les bons nationaux, suivez mon regard, et les mauvais nationaux. Et les mauvais nationaux seront ce qu'on appellerait plus tard les immigrés, les étrangers, les métèques. Vous savez, c'est Charles Maurras, ça c'est assez peu. Charles Maurras, il a lancé le mot métèque, qui est hélas aujourd'hui dans un usage si courant, et pas dans les universités, après la lecture d'une thèse d'un grand antiquiste, archéologue et antiquiste français, qui parlait des métèques athéniens. Donc, les mauvais nationaux, les bons nationaux, et du coup, vous avez des partis qui se constituent, on voit bien ça en Hongrie ou en Pologne, sur des bases nationalistes, mais pour cliver à l'intérieur de la nation. C'est ça toute la différence entre national et nationaliste. Et l'ambiguïté, c'est que dans les médias, ou même chez les historiens, on mélange un peu les deux termes, et par exemple, on parle d'un mouvement nationaliste catalan. Il vaudrait mieux dire un mouvement national catalan, et sincèrement, si la Catalogne se constitue en État souverain un jour, je suis pas prophète, on assistera à ce moment-là à des clivages internes entre une conception d'extrême droite du national et une conception d'extrême gauche du national. Avec toute cette réflexion qui vous conduit, Pascal Auré d'ailleurs, à citer André Gide dans votre ouvrage sur cette question d'enracinement que Maurice Barrès évoquait. Et Gide disait, oui, enfin, moi je suis né à Paris d'un père venu du Zest, d'une mère normande. Où voulez-vous, monsieur Barrès, que je m'enracine? Et oui, la question est complexe et traverse le monde, d'où cette histoire mondiale, et le temps, d'où la notion d'histoire. Allons faire un tour au Vietnam. Au Vietnam en 1975, parce que Pascal Auré, vous insistez sur ce moment important. Écoutez une archive sur la réunification du Vietnam. En fait, c'est une rétrospective d'avril 1985 sur la deuxième chaîne de la télévision française. Pour ces soldats nord-vietnamiens, c'est le dernier kilomètre de la guerre. Le dernier kilomètre d'une victoire totale. En 52 jours d'une offensive éclair, les forces communistes viennent de réaliser un rêve fait en 1920, il y a 55 ans, par un jeune Vietnamien, Ho Chi Minh. La dernière bataille de cette histoire d'un demi-siècle a commencé un mois plus tôt sur les hauts plateaux. Depuis 1973, depuis les accords de Paris, les Américains ont évacué le Sud-Vietnam. C'est la phase dite de vietnamisation du conflit. Le 30 à midi, c'est fini. Un T-54 soviétique enfonce les grilles du palais Doc Lap. Quelques instants plus tard, l'éphémère successeur du président Thieu est fait prisonnier. Les vainqueurs s'embrassent. Le Vietnam est réunifié sous la seule bannière des communistes du Nord. Le Vietnam réunifié en 1975. Pascal Auré, ces années 70 vous paraissent essentielles dans cette réflexion autour de la nation, en tout cas pour comprendre qu'est-ce que la nation aujourd'hui? En quoi les réflexions d'intellectuels, c'est vrai que nous avons des personnages à évoquer comme Pierre Nora et d'autres, et le contexte politique fait que l'idée même de nation est une idée qui se transforme dans ces années-là. Oui, le son que vous avez diffusé parle dans la même phrase de la réunification, hein, parce que c'est une réunification du Vietnam, et on peut voir ça comme ça, bien entendu. Tant entendu d'ailleurs que la notion de Vietnam est en partie venue de la colonisation française, hein, c'est un peu comme la notion d'Algérie. Avant, vous avez l'Annam, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que la Cochinchine et le Tonkin ont des destins singuliers. Passons, réunification du Vietnam sous l'égide du Parti communiste. Il y a quelque chose d'un oxymore qui va être résolu, c'est-à-dire que c'est plus... Le temps passant jusqu'à 2020, nous parlons en 2020, effectivement, Xavier Mouby, pas en 1975, sera de plus en plus Vietnam, de moins en moins communisme. C'est-à-dire que mes contemporains ont souvent refusé de voir que dans, au moment de la guerre d'Algérie, dans FLN, il y avait N, Front de Libération Nationale. Dans le cas du Vietnam, je ne donnerai pas ça en vietnamien, mais en français ou en anglais, ça devient Front National de Libération, FNL. Du Vietnam. C'est-à-dire que cette dimension nationale était présente, Elle n'était pas négligeable. Évidemment, elle était subsumée, dirait-on aujourd'hui, par d'autres considérations internationalistes qui se sont manifestées par des solidarités, d'ailleurs, de libération, Cambodge, Laos, etc. Mais au total, c'est le national qui a ramassé la mise. Ça va même plus loin, parce que cette fameuse révolution de 1975, à laquelle je tiens beaucoup, parce que tout va basculer à ce moment-là, en particulier, regardez le regard sur les victimes. Les victimes étaient avant les Vietnamiens napalmés par les Américains. Après, ça s'appelle les « boat people ». Donc en 2-3 ans, vous avez un basculement, mais anthropologique. Hein. Mais regardez ce qui se passe au Cambodge dans ces jours-là, dont on vient d'entendre le son là. C'est l'expérience la plus radicalement communiste, on peut dire oui, communiste du monde, par des Cambodgiens qui sont quand même assez largement formés à la française. Hein. Pol Pot, Kem Samphan sont formés en partie en France. Bon, au contact entre autres de communistes français ou d'autres. Bon, et cette application radicale d'une utopie communiste se termine par une intervention vietnamienne. Et Dieu sait si à ce moment-là on parlera d'un impérialisme vietnamien, c'est-à-dire que progressivement, même les Khmers rouges se sont révélés d'ailleurs incroyablement nationalistes sans le reconnaître, en allant persécuter les minorités ethniques du Cambodge pendant les 3 ans et demi où ils ont régné sur le Cambodge. Donc le national est chassé par la porte, il rentre par la fenêtre et la suite des événements l'a évidemment confirmé. Et puis le monde est au cœur de cette question. Nous parlons beaucoup de mondialisation, de mondialisme. Comment s'inscrit en fait l'histoire de la nation autour de ces autres concepts qui en fait s'imbriquent complètement dans l'idée même de nation ? Oui, je parlais au début de notre conversation, Xavier Mauduit, du caractère construit du national et on pouvait ajouter « et alors, so what ?» L'essentiel, c'est que ça marche ou que ça ne marche pas. Et ça marche, le national en général. Et certains choix nationaux marchent particulièrement bien, d'autres échouent. Puis c'est ainsi, comme disait Hegel devant les montagnes. Hein, c'est ainsi. Bon. Mais qu'est-ce qui est construit aussi ? C'est l'internationalisme, le mondialisme, la notion de monde, même la notion d'humanité. C'est un postulat, c'est une construction, c'est intéressant. La question, c'est de savoir quand ça marche. Et pour faire quoi ? Et dans le cas du mondialisme, c'est effectivement une sorte de repli après, pour simplifier, l'échec des hypothèses internationalistes, au moins pendant une échelle de, disons, un siècle et demi, ce qui est pas mal. On verra si ça peut rebondir. Moi, je suis pas donc prophète, je ne suis qu'historien. Mais les historiens ne travaillent pas sur le passé, ils travaillent sur le temps. Donc ils signalent que, pour l'instant, l'internationalisme est au plus bas. Le mondialisme a plutôt vent en poupe, c'est vrai, dans le discours. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que la mondialisation, qui est tout à fait autre chose, et qui est une vieille histoire, on pourrait reciter Brodel d'ailleurs, on peut dire que les déplacements de population, la mondialisation des végétaux, des animaux, des êtres humains, c'est une histoire qui se confond avec l'histoire de l'humanité. Bon, en particulier le fait qu'il y a des migrations, entre guillemets, vous voyez, vous suivez mon regard, bon, c'est une vieille histoire. Et en même temps, les communautés, elles, se construisent par rapport à ça, elles établissent des règles. Hein, les barouillas, ils n'acceptent pas n'importe qui chez eux, etc. Mais tout ça, ça ne produit pas forcément du mondialisme. Et j'aurais tendance à penser, sur le contemporain, 2020, avec ou sans crise sanitaire, que la situation présente est une situation de mondialisation, y compris de virus, mais qui ne produit pas une once de mondialisme. L'ONU, ça s'appelle Organisation des Nations Unies. En réalité, c'est une organisation des États unis, hein, qui sont presque tous des États-nations. Entre parenthèses, c'est très intéressant, personne ne le remarque. Il y a un État au monde qui n'est pas une État-nation, si je laisse de côté le Vatican. Bon, c'est l'Arabie Saoudite. Personne s'en préoccupe, ça. L'Arabie Saoudite, comme son l'indique, ça ne peut pas être un État-nation, puisqu'elle est fondée, comme l'Empire Ottoman de jadis, sur une dynastie, voire sur une famille. Mais tous les autres États du monde représentés à l'ONU sont des États-nations, y compris la Corée du Nord, y compris l'Iran. Regardez, lisez la constitution iranienne. C'est pas tous les jours qu'on lit la constitution iranienne. C'est pas fascinant, c'est vraiment une constitution d'État-nation très 19e siècle. Bref, l'État-nation triomphe partout. Le mondialisme, où est-ce que vous le voyez ? Il y a l'esquisse de début, de commencement d'un mondialisme qui s'appelle, j'allais presque dire qui s'appelait, l'Union européenne. Parce que là, vous avez une structure étatique supranational, le général de Gaulle d'ailleurs l'avait bien dit, supranational, ça le faisait sauter en l'air. Eh bien, on voit bien que l'Union européenne peine. Et puis, si vous retirez l'Union européenne, il n'y a rien d'autre. Donc le mondialisme, c'est un horizon, comme l'internationalisme. Pour l'instant, c'est un horizon qui recule toujours. Et le pour l'instant est essentiel dans votre réponse, Pascal Horry, avec toujours ce va-et-vient entre cette notion de nation et cette notion de monde. Et dans la construction poétique, je reprends vos mots, eh bien, il y a ce que vous savez parfaitement faire, c'est le décryptage de la culture populaire, et qui est essentiel, parce que c'est aussi par là que les notions entrent dans la tête des populations, peut-être du peuple, un peuple ou le peuple, avec une minuscule ou une majuscule. Je vous propose d'écouter le titre francophone le plus diffusé à la radio dans l'année 2017. Ce titre est signé Tibbs et il s'intitule, ça nous parle, Nation. Est-ce que tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon? Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Embrasser le monde entier. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Tibbs qui chante Nation, donc nous venons du Nord, nous venons du Sud, nous sommes une nation, nous formons une nation, la nation devient ta maison, tout se donner, embrasser le monde. C'est intéressant, Pascal Horry, de se dire qu'en 2017, le tube radio le plus diffusé s'intitule Nation et dit que nous faisons tous partie du monde. Oui, grâce à vous, Xavier Maudu, je découvre Tibbs. Je vais aller écouter ses œuvres. C'est un document de plus. Et tous les documents, j'allais dire, non pas se valent, mais sont importants. Et en particulier les documents de culture populaire, puisqu'on parle de souveraineté populaire. Mais vous savez que l'intégration soit quand même la clé des nations problématiques et que ce soit toujours une course-poursuite entre les facteurs d'intégration et de désintégration. On le voit aujourd'hui aux États-Unis avec les élections américaines. On voit très clairement que tous les latinos n'ont pas voté pour Biden, par exemple. Donc les formes d'intégration sont diverses. Vous avez des latinos qui se sont intégrés en votant Trump. Je vous signale que dans les partis populistes, pour ne citer qu'un exemple, le Rassemblement National, il y a beaucoup de descendants d'immigrés. Ce ne sont pas les mêmes immigrés que ceux qu'ils dénoncent. Ce sont des descendants clairement d'immigrés espagnols, italiens, portugais, etc., qui votent Rassemblement National. Et aujourd'hui, aux États-Unis, l'intégration, elle passe aussi par ça. On pourrait dire hélas, hein, mais je le constate. Donc les grandes démocraties, pour l'instant, intègrent assez bien. Nous venons du Sud, du Nord, etc. Et paradoxalement, c'est au XIXe siècle qu'on dit, c'est Victor Hugo, 1849, les États-Unis d'Europe, Victor Hugo qui dit clairement, on dira un jour, je cite de mémoire, hein, France, Allemagne, Italie, comme on a dit jadis Anjou, Berry ou Provence. Bon, bah là aussi, on peut dire que c'est un phénoménal projet, mais qui est à peine au début de l'esquisse d'un commencement. Hein. Oui, parce que ça, c'est une réflexion que nous retrouvons. Vous citez Pascal Horry, Victor Hugo, et l'idée même de faire partie d'un tout en conservant son identité, pourquoi pas nationale, est dans cette définition d'une nation, une chose que l'on trouve du 19e siècle, et sans doute jusqu'à nos jours où les identités locales sont extrêmement fortes. Nous nous sentons toujours autant normands ou bretons, faisant partie de la nation France, elle-même faisant partie de l'Europe, et nous pourrions encore étendre les échelles. Oui, en même temps, la France est un modèle, alors pour le coup, d'intégration ancienne autour d'un pouvoir central. Et je répète, vous allez en Allemagne, République fédérale, vous allez en Suisse, vous allez aux États-Unis, toute la discussion sur les grands électeurs, par exemple, c'était fascinant. Ça veut dire que la France a une culture tellement unitaire, tellement centraliste, qu'elle ne peut pas comprendre les hypothèses fédérales. Vous savez, quand les Jacobins ont voulu, et ils ont réussi d'ailleurs à liquider les Girondins, ils ont dit « vous êtes des fédéralistes ». Donc, effectivement, les expériences nationales sont très différentes. L'expérience française est fondamentalement démocratique, mais aussi fondamentalement autoritaire. D'ailleurs, je signale, dernier élément de perturbation, que le pays cocorico qui a inventé la démocratie autoritaire moderne, c'est la France. Ça s'appelle le bonapartisme. Napoléon Ier, c'est un empereur des Français, pas un empereur de France, avec des plébiscites, évidemment, instrumentalisés. Donc voilà, nous avons une tradition centraliste, catholique, incontestablement, mais étatique, et on peut le dire autoritaire. Les États-Unis, eh oui, la Suisse, eh oui, ont une tradition fondamentalement démocratique. Et puis si nous regardons à l'inverse, c'est-à-dire dans ce que nous avons comme schéma de pensée en disant nous sommes hors de la nation, notamment l'international, le mouvement internationaliste, Pascal Horry, vous rappelez que lors de la proclamation solennelle en 1893, au moment où se met en place le Parti ouvrier français, enfin Jules Guesde et les autres disent bien qu'en mettant en place une internationale, il ne renie pas le patriotisme et même l'idée de nation. Oui, Jaurès a écrit de très beaux textes là-dessus, et le Parti communiste a su, à des moments décisifs, comme en 1935, face au danger hitlérien, c'est la réconciliation par Jacques Duclos du drapeau tricolore et du drapeau rouge, de la Marseillaise et l'Internationale, à la stupéfaction de certains militants, évidemment, jusqu'à, évidemment, aller très très loin dans cette direction, quand Staline, en pleine Seconde Guerre mondiale, quand même, change d'hymne, et remplace l'hymne l'international par un hymne qui, au fait, un peu trafiqué, est toujours l'hymne de Monsieur Poutine. C'est extraordinaire. Oui, c'est ces continuités hein, qui nous fascinent toujours, ces continuités et ces ruptures, et notamment la question finale, Pascal Horry, c'est aujourd'hui sur cette notion de nation, vous êtes plutôt, je le dis parce que c'est essentiel, dans une possibilité d'optimisme. Je ne dis pas que vous êtes optimiste sur la suite, sur l'avenir de la nation, mais l'espérance est là. En disant que le problème, c'est plutôt l'optimisme sur l'espérance de vie de l'humanité, et je ne vois pas de contradiction entre le maintien, voire même la sophistication d'identité nationale et des formes de résistance à des défis qui sont mondiaux. Mais si on attend que ça passe par la construction d'un système internationaliste, voire même mondialiste, là, on risque d'attendre un peu trop avant l'affrontement avec des crises, en particulier, soyons clairs, écologiques, qui vont générer, dans un premier temps au moins, je ne suis pas maître du deuxième temps, Xavier Mauduit, qui vont générer des renforcements autoritaires, nationalistes ou pas, mais certainement autoritaire, voire totalitaire. Regardez la Chine. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a eu trois Chines qui ont réagi. La Chine populaire, Singapour, Taïwan. Le modèle de démocratie libérale, dont personne ne parle évidemment en France, c'est Taïwan. Tout ça, ça fait réfléchir. Tout ça, ça fait réfléchir, et nous sentons que cette question que vous posez dans votre ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale ?» Pascal Horry, c'est édité chez Gallimard, nous parle alors du présent comme une évidence, du passé, bien sûr, nous aimons l'histoire, et un petit peu de l'avenir aussi. Merci beaucoup, Pascal Horry. Merci à vous. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, la chute de Margaret Thatcher, relue par la fiction. La quatrième saison de la série The Crown, consacrée au règne toujours en cours d'Elisabeth II, a été diffusée cette semaine sur Netflix. Les 10 épisodes couvrent la période des années 70 au début des années 90. On restera de manière assez étourdissante sur sa fin, sur l'histoire du conflit anglo-irlandais, avec une allusion rapide qui inaugure cette nouvelle saison. Ce qui est par contre largement fréquenté par les scénaristes, c'est la relation entre Margaret Thatcher, Premier ministre, et la reine, avec une mise en scène pointue de leurs entretiens hebdomadaires jusqu'à la chute spectaculaire de la première. Je voulais vous dire que la façon dont vous avez géré tous ces vieux messieurs aux cheveux gris, vieux jeux et condescendants tout au long de vos différents mandats, et la façon dont vous les avez écartés... Je crois qu'ils ont eu leur revanche aujourd'hui. J'ai été choquée par la façon dont vous avez été forcée de partir. Je voulais vous faire part de ma solidarité. Pas seulement de reine à premier ministre, mais de femme à femme. La chute de Margaret Thatcher, c'est une des plus belles dégringolades de l'histoire. Un retournement sans précédent d'un camp politique contre son leader, pourtant vainqueur de toutes les élections nationales, malgré les mouvements sociaux, vent debout contre la libéralisation sèche de l'économie britannique. Une relecture par la fiction avantageusement complétée par le visionnage ou la découverte du documentaire de William Carell de 2012 intitulé « Qui a tué Maggie ?». On y découvre la version de l'histoire de ceux qui ont fomenté cet assassinat politique, mis en scène sur le modèle d'un complot tragique, paré de tentures derrière lesquelles se cacheraient les comploteurs et les petits arrangements perfides, pour en finir avec les méthodes cassantes d'une Margaret Thatcher qui, malgré ses résultats et son aura dans l'histoire du pays, n'avait pas achevé d'amadouer son propre camp. La démission du fidèle Geoffrey Howe, le 1er novembre 1990, constitue en la matière un coup de poignard magistral, une trahison magnifique. Je réalise qu'il est désormais devenu futile de donner un sens à ce qui n'est plus crédible, de faire croire à une politique commune alors que la moindre avancée risque d'être pervertie par des commentaires sans intérêt ou des solutions irréfléchies. Je ne crois plus qu'il soit possible de résoudre ce conflit en restant au sein du gouvernement. C'est pour cette raison que j'ai démissionné. À la tête de l'État, Thatcher connaît une fin pathétique, sans alliés dans son parti, dont les membres du gouvernement font la queue devant la porte de son bureau pour démissionner les uns après les autres, en opposition avec sa politique européenne et une réforme de la taxe d'habitation considérée comme punitive qui déclenche des émeutes et la consacre comme l'ennemi des citoyens les plus fragiles du royaume. Son autoritarisme ne prend plus les atours de la courtoisie qui l'a caractérisé jusque-là et lasse ses soutiens toujours aux aguets pour limiter les dégâts diplomatiques de ses prises de position sans considération pour ses interlocuteurs ou ses collaborateurs. Si l'endurance de Thatcher n'avait pas eu raison de l'inimitié politique de la reine, les deux dirigeantes se livrent un combat médiatique inédit au moment des réticences de Thatcher à condamner le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Le jour de sa chute est orchestré dans la série comme un retour aux fondamentaux de la solidarité féminine engagée dans un monde politique britannique masculin qui, s'il n'avait pas pu faire autrement que d'accepter l'accession au trône d'Elisabeth II, n'avait jamais tout à fait admis l'hégémonie politique d'une femme qui a tenu au poste de Premier ministre pendant plus de 12 ans en adoptant des méthodes d'imposition de son programme politique d'une férocité absolue. Absolue. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le journal de l'Histoire, c'est sur le site Radio France, franceculture.fr et l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tocienne Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes à écouter et à podcaster sur le site franceculture.fr et l'application Radio France. La semaine prochaine, nous allons parler d'amour avec Aphrodite, Eros, Apollon, pour de l'amour antique avec les troubadours et les trouvères, pour les chants de l'amour courtois. Oui, des liaisons dangereuses de Marie-Antoinette au romantisme. Comment se construit le sentiment amoureux entre sincérité et convention.